Donc Isabelle de la Fédération Sud Santé Sociaux. À force de coupes budgétaires, de fermetures de lits sans compensation alternative, de dérives sécuritaires, de suppression de postes, d'appauvrissement de contenu de formation initiale et continue, de diminution des espaces de réflexion clinique et de management destructeur, d'injonction normative et paradoxale, les conditions d'exercice des personnels et les conditions d'accueil et de soins des patients sont devenues douloureuses et indignes dans quasiment toutes nos institutions psychiatriques. La crise Covid n'a pas épargné l'hôpital psychiatrique, parent pauvre d'un secteur hospitalier à l'agonie. Les personnels ont continué leur mission sans protection et avec des dérives contradictoires qui changeaient en fonction des stocks. Depuis le début de cette pandémie, comme partout sur le territoire, le personnel du centre hospitalier du Rouvray a dénoncé ses manques. C'est au nom de l'éthique qu'ils et elles ont dénoncé là où ils et elles avaient une écoute attentive les manquements du service public et plus particulièrement de leur direction. Cette direction qui, par voie de notes internes, les sommait de faire sécher leurs masques dès qu'ils étaient humides entre deux utilisations, bien loin des directives de tous les hygiénistes d'une utilisation optimum ne devant pas dépasser 4 heures. Aujourd'hui, plutôt que de faire un bilan factuel et de reconnaître ses torts dans la gestion de la crise Covid, la direction du centre hospitalier du Rouvray ouvre des procédures disciplinaires. Serait-ce un manquement à leurs obligations de dénoncer les conditions dégradées qui ont eu cours au Rouvray ? Les hospitaliers n'auraient donc d'autre choix que de fermer leur gueule lorsque leur direction suive vent debout des logiques managériales technocratiques au détriment du besoin de l'humain ? La Fédération Sud Santé Sociaux dénonce cet état de fait. Cette action vise des personnels particulièrement impliqués, engagés pour défendre des soins dignes pour les patients et les patientes. Pour la Fédération Sud Santé Sociaux, il est indéniable aujourd'hui que nous sommes face à de la répression au centre hospitalier du Rouvray. Celle-ci n'a qu'un but, faire taire cette colère noire qui ne cesse de s'amplifier. Aujourd'hui, en soutien, la Fédération Sud Santé Sociaux somme la direction de l'hôpital du Rouvray de stopper l'acharnement exercé sur ses agents. La Fédération Sud Santé Sociaux soutient ses lanceurs d'alerte. La Fédération Sud Santé Sociaux demande la fin immédiate de toutes ces procédures disciplinaires en cours et le retrait immédiat de celles-ci de leur dossier administratif. Pour un plus jamais ça et un non-retour à la normale, la Fédération Sud Santé Sociaux se bat pour une psychiatrie relationnelle et vivante, où la science est au service de l'humain et non instrumentalisée par les maîtres du management d'entreprise, où la politique psychiatrique du secteur prime sur la gestion comptable du découpage de l'hôpital en pôles, et où les organisations du travail soutiennent les soignants au lieu de les détourner de leur mission en les transformant en transmetteurs de données numériques. Ne lâchez rien, on ne vous lâchera pas. Ça va ? Très bien. Et toi ?